Hey les gars, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme intro là. Franchement, moi je vois pas, et toi Zesso, tu vois ça comment? Ah moi franchement, je dis faudrait faire un truc qui nous représente bien, tu vois. Ah ouais. Style Dissident. Tu connais le style, Zesso, Riasco et N2S Bill. 9-4 Val de Marne et toutes ces villes hostiles. Vitry, Villiers, Bagneux et rien que du bon freestyle. Ça se passe des hauts de nous, au Malassis secteur. Pavé 9, Noisy, Grand fait flipper vos inspecteurs. Magma style et la rime à la hauteur. C'est le Dissident, avertissement au boycotteur.